J'ai zappé le succès, passé direct de l'anonymat au déclin. La réussite est une perle, lâcher mes finances dans un écrin. Derrière l'écran, des figurants, on dit que je suis pessimiste, ça craint. Défaitiste, pourtant je bois toujours le verre à moitié plein. Pas toujours somme et souvent sombre le paysage que je dépeins. On vit dans un monde où moins d'une victime sur 100 ose porter plainte. J'ai troqué le bonheur contre l'espoir d'une étreinte. Je suis sûr qu'une poignée de souris en costard vit derrière les plaintes. Agenouillé, encore ému, volontaire et pratiquant. Je trouve plus facilement le mot réconfort dans le dico qu'au Vatican. Investi seul le silence, genre ta vie c'est le ciné. Harcelé de flash du passé, la déception c'est lancinant. On vend son âme en signant, j'y vois tout chercher un stylo pour se vautrer dans le divan. C'est le divin, ça en dit long, tous à l'unisson. On nous éduque par quiproquo, personne veut être un petit garçon. On reste de bois comme Pinocchio, gibier de terre aride. C'est un pari, ouais j'ai de la peine à rire. T'arrives à peine, désolé si je te fais déjà de la peine à rire. Ton paradis superficiel, en toute probable, l'enfer arrive. Pétasse artificielle, oublie tes rêves de Ferrari. Vêtu en fer, en armure, cherche une lueur dans le brouillard. Suis-je réel? Suis-je Arnold ou Bernard? C'est trop tard, énergie douce pour Michel. Mais passe au Delbor, Pantin, pris ses ficelles. Ouais, Paname, c'est toujours Westworld.